toi tu sentais bon le destin, mais bon le destin ne veut rien savoir. Pose des contraintes géographiques, nous pose sur d'autres territoires. Il était bon ce rêve utopique, mais tu pilotes pas des Spoutnik. Je garde quand même un œil au ciel, des fois que tu te mates à l'ULM. Si je croise un oiseau migrateur, il m'emmènera jusqu'à tes ailes. Et pourront me réchauffer le cœur, mais pour le moment je me l'épelle. Alors pour me réchauffer la tête et les poignets et puis les doigts, je joue de la guitare à tue-tête et je chante des refrains tout bas. Y'a des histoires qui me font marrer et d'autres qui me font chanter des conneries. T'es mon espoir, ma préférée. Peut-être qu'un jour je te recroiserai dans mon lit. Oh toi tu sens c'est bon le destin, mais bon le destin faut-il y croire. Il pose deux êtres et les fusionne. Deux jours après tout le monde se barre. J'en suis resté bloqué scotché. Je crois qu'on a des atomes si à moi entre tes lèvres et le bout de mon nez. Même ma guitare est folle de toi. Je te jure qu'elle a voulu te rejoindre. Je l'ai retenue, c'est quand même la mienne. Du coup le manche est parti en bringue. Fini ma guitare de bohème. Alors pour me réchauffer la tête et les poignets et puis les doigts, j'ai plus qu'à mettre à la trompette, au saxophone ou au tuba. Y'a des histoires qui me font marrer et d'autres qui me font chanter des conneries. T'es mon espoir, ma préférée. Peut-être qu'un jour je te croiserai dans mon lit. Toi tu sens c'est bon le destin, mais bon le destin se moque de moi. Il me rappelle ton excitance dès qu'il peut, même quand il peut pas. Je te jure tous les nuages d'ici forment ton prénom de 4 lettres chaque jour. Suffit que je grimpe dans mon taxi pour qu'il se mette à tourner autour. Je vois des plaques minéralogiques où sont inscrites tes initiales. J'en croise par douzaines qui rappliquent à chaque carrefour interaxial. Alors pour me réchauffer la tête et les poignets et puis les doigts, je tente de fuir mes rêves de compète en les écrivant, mais tu vois, y'a des histoires qui me font marrer et d'autres qui me font chanter des conneries. T'es mon espoir, mon préféré. Peut-être qu'un jour je te croiserai dans mon